Le journal avec Willy Sintaïheura. De l'autre côté vitré, nous sommes avec Nikki Inès. D'abord, les grandes articulations. Bouleversement du monde entier par la pandémie du Covid-19 en sa troisième vague, dont variant Delta. L'Afrique n'étant pas écartée et surtout le Kenya qui a commencé à prendre des mesures pour faire face à cette pandémie. Et les habitants de Sororezo qui demandent d'avoir de l'eau potable car un seul robinet présent dans cette localité ne suffit pas. Nous vous avons prévu plus sans oublier le sport. Bienvenue. Bon après-midi, débutons ce journal par la page santé des cas positifs au Covid-19 où le nombre de décès suite à la pandémie s'augmente de jour au jour. Suite à la troisième vague de la pandémie de Covid-19, dit variant Delta qui a déjà touché 16 pays africains depuis l'Inde, comme l'affirme l'OMS. Parmi ceux figurent la République démocratique du Congo et le Kenya. Ces deux pays enregistrent en moyenne plus de 340 cas positifs par semaine et plus de 20 décès par semaine au Kenya et à la République démocratique du Congo. 960 décès ont été déjà enregistrés jusqu'à aujourd'hui. Félix Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, a autorisé le vaccin d'AstraZeneca pour lutte contre la pandémie de Covid-19, malgré qu'il a refusé de se faire vacciner. Et Uhuru Kenyatta, le président kényan, a quant à lui instauré des mesures pour faire face à cette pandémie, dont le couvre-feu de 20h à 4h, interdiction de rassemblement de fortes populations et surtout dans les lieux de culte durant les 2 mois. C'est depuis ce 3 juillet 2021 en Ouganda, pays connu comme un pays à forte circulation. Le pays est confiné depuis le 18 juin et les vendeurs du plus grand marché de la capitale et de Kampala ont été interdits de rentrer chez eux. C'est au moment où, au Burundi, il se remarque un relâchement, surtout au centre-ville et dans un lieu communément appelé au kiosque au centre-ville et de la capitale économique Bujumbura. La population de la sous-colline Sororezo en commune Kanyosha de la province Bujumbura fait savoir qu'il se remarque une insuffisance de robinets d'eau potable dans cette localité après avoir s'associé au pont de la construction d'un réservoir d'eau l'UNUC présent dans ces lieux. Cette population demande à l'État un soutien pour multiplication de robinets car un seul robinet ne suffit pas pour la population de cette localité. Vena Niomungere s'y est rendu. Ce sont des gens de la localité sur le réseau de la commune Kanyosha en province de Bujumbura. Pendant la saison sèche, la population de cette sous-colline dit que le manque de l'eau potable a été utilisé dans les travaux quotidiens. Cette pénurie d'eau est à l'origine des conflits qui s'observent entre les personnes à la recherche de l'eau. La question de l'eau est pertinente pour nous. Nous levons très tôt à 3h du matin pour aller chercher de l'eau et nous puisons aussi de l'eau sale. Plus de 400 personnes partagent un seul robinet. Ce n'est pas facile que toutes ces personnes puissent avoir de l'eau. Nous avons toujours des différends à régler suite à des personnes qui se battent souvent à cause de ce manque d'eau. Jean-David, chef de cette sous-colline, demande à l'État la multiplication des robinets afin de remédier à cette pénurie d'eau. Nous demandons au gouvernement de multiplier des robinets parce qu'il y a ceux qui font un long trajet à la recherche de l'eau potable. Nous voulons un soutien pour que l'eau soit disponible tout près de la population. Ce sera mieux. C'est après que la population de ce réseau se soit mise ensemble pour la construction d'un réservoir pouvant contenir les prix de 5000 litres. Un réservoir, selon cette population, qui ne suffit pas pour alimenter toute la localité de ce réseau. Merci, Benan Nyongongere, politique à présent vers Ouigi. Antoine Nguendandi, qui était représentant du parti UPRONA en province Ouigi, est l'un des représentants nommés ce dimanche dans un congrès professionnel de ce parti. Ngamba Albert, l'un des membres du parti qui n'ont pas participé dans ces élections, fait savoir que ce nouveau représentant veut chercher leur profit, mais pas le bien des Badassigana. Albert demande encore la réunification de tous les Badassigana. Plus de détails avec Ariane Irakoze. Serge Nzevali Kanuye a été élu premier secrétaire du parti Plona. Inosa Kizimana, élu deuxième secrétaire. Ngendanzi Antoine a été élu secrétaire exécutif. C'était dans un congrès provincial de ce dimanche, chef-lieu de la province Ruyigi. Antoine Ngendanzi salue cette activité d'honneur en disant que les élections ont été faites suivant les règles et les lois du parti. Je suis très heureux, je suis très content et je suis très satisfait. Je ne me plains de rien. Sur l'avènement de cet organe qui vient d'être élu aujourd'hui. Ce sont des élections qui s'inscrivent dans la légalité. Mwamba Albert est l'un des membres du parti qui s'oppose aux élections organisées au sein des communes et provinces. L'activité a commencé mal et ils veulent conclure l'activité dans l'ambiance qui n'est pas du tout bonne. C'est-à-dire, ceux qui ont fait des soi-disant congrès provincial ne veulent pas vivre les règles du parti. Puisqu'ils sont en train de défendre les choses qu'ils ont mal fait, voler les biens du parti, eux veulent se maintenir sur les organes du parti. Lui plane la réunification des Badassigana afin que les élections passent dans la transparence. Depuis Ruyigi, Ariane Irakoze pour la radio Bonesha FM. Certains commerçants des boissons Braoudi œuvrant en mairie de Bujumbura ne respectaient pas les prix fixés par le gouvernement. Les consommateurs des boissons Braoudi précisent qu'ils observent une spéculation dans la commercialisation de ces produits. Et les équipes Brothers et Urunanis dans l'actualité sportive ont décroché leur ticket pour les demi-finales du tournoi Ngunuzi-Za Cup au basketball. C'est après leur victoire contre Taget et Cairn ce dimanche. Le demi-finale se joueront à Ngozi entre Dynamo et Brothers, ainsi que Urunani contre Young Eagles de Gitega. En Europe, l'Italie, l'Angleterre, le Danemark et l'Espagne sont déjà qualifiés pour les demi-finales de la Coupe d'Europe Europa 2021. Plus de détails avec Alain Yomchamanda. Le week-end de la semaine écoulée a été marqué par le tournoi Ngunuzi-Za Cup au basketball. L'équipe Brothers de Changzhou, ce dimanche, a battu Taget de Ngozi lors de la rencontre comptant pour les quarts de finale du tournoi 84.676 de Taget. Onani, le même jour, s'est imposé face au Cairn 66.662. Les deux équipes sont de la capitale économique Bujumbura. Ces victoires ont qualifié les équipes Brothers et Urunani pour la demi-finale du tournoi. Les demi-finales de ce tournoi, Ngunuzi-Za Cup, vont se dérouler en Ngozi, entre Brothers et Dynamo, ainsi qu'entre Urunani et Young Igor de Gitega en handball. Le championnat national compta pour les quarts de finale du championnat ont eu lieu ce samedi chez les filles. L'équipe Umuri de l'Université du Burundi s'est imposée face à l'équipe de la province Ruyigi. L'équipe d'Irisel Tovu a battu à son tour à PDEC. C'est au moment où Brothers Team chez les hommes a sérieusement corrigé l'équipe d'Irisel Tovu 61-17 points. L'équipe Inouar quant à elle a montré sa supériorité sur l'équipe d'Irisel Mouyebe. C'était sur le terrain de Sessinga Angaga hors de nos frontières en Europe. Les quarts de finale pour la Coupe d'Europe sont terminés vendredi et samedi. Les équipes de l'Italie, de l'Angleterre, de Danemark et celles de l'Espagne sont qualifiées pour les demi-finales de l'Euro après avoir battu respectivement les équipes de Suisse, de la Belgique, de la République tchèque ainsi que celle de l'Ukraine. En Amérique latine, lors du Copa América, le Brésil et l'Argentine ont rejoint le Pérou et la Colombie en demi-finale après avoir battu respectivement la Chili et l'Équateur. Merci Alain Yomuchamanda. Après une courte pause, hors de chez nous. Actualité internationale. Débutons l'actualité internationale par la République démocratique du Congo. Pas d'activité scolaire dans toute la ville d'Uvira en République démocratique du Congo, bien sûr, depuis son lundi 5 juillet 2021. Cela fait suite à une ville sans éducation décrétée ce lundi 5 juillet et demain mardi 6 juillet par le Parlement des enfants d'Uvira, accompagné des organisations de la protection des droits des enfants d'Uvira. L'objectif de ce mouvement de deux jours est de dénoncer les enlèvements des enfants en milieu scolaire dans la ville d'Uvira. Toutes les institutions scolaires publiques et privées sont restées fermées depuis cet avant-midi dans les trois communes de la ville d'Uvira jusqu'à ce mardi 6 juillet, indique la lettre d'information que ces organisations ont dressée à la mairie d'Uvira. Ce sont des informations que nous devons à Jean-Bekima Lulacha, notre correspondant depuis Uvira et au Mali. Quatre soldats maliens ont été tués ce dimanche lors d'une attaque menée par un groupe armé dans le nord-ouest du pays vers la frontière mauritanienne. L'armée malienne a annoncé que cette attaque est menée par un groupe armé terroriste contre leur convoi dans le nord-ouest du pays. Depuis 2012, le déclenchement des rébellions indépendantistes djihadistes dans le nord, le Mali est plongé dans une tourmente multiforme qui a fait des milliers de morts et civils et combattants. Malgré le soutien de la communauté internationale, il est 13h27 dans le studio de la radio associative indépendante Bonesha FM. Mettons depuis Bujumbura, nous voilà à destination de ce journal. Et merci pour votre fidélité. Merci à tout un chacun pour sa collaboration. Merci à Niki Inez pour sa collaboration technique. Le journal vous a été présenté par Willy Sindayeroulan. Un bon après-midi et surtout, gardez l'écoute.